Aller se dit gehen. Gehen. Et pour dire s'en aller, il suffit d'ajouter weg devant gehen. Weg qui traduit cette idée d'éloignement. Weg, W-E-G, notez le G à la fin qui se prononce k. Ne confondez pas weg avec weg, chemin. Le même mot, employé comme un nom, prend une majuscule, parce qu'en allemand, tous les noms sont marqués par une majuscule. Donc, le mot weg, W majuscule, E-G, c'est le chemin, la voie, par exemple, dans une adresse. Revenons à weg et weggehen. Weggehen s'écrit en un mot et signifie s'en aller. Weggehen. Alors, comment direz-vous « je vais m'en aller bientôt » ? Ich werde bald weggehen. Bien. Ich werde bald weggehen. Weggehen s'écrit donc en un seul mot. Dans la phrase « si je pouvais, je ne m'en irais pas sans vous », comment diriez-vous « je ne m'en irais pas sans vous » ? Pour « je ne m'en irais pas », vous pouvez utiliser le porte-manteau « würde ». Ich würde nicht. Ohne sie. Sans vous se dit ohne sie. Ohne, O-H-N-E. Ohne sie. Ohne sie. Aller au loin, s'en aller. Weggehen. Bien. Ich würde nicht ohne sie weggehen. Pour dire sortir. Cette fois, au lieu d'aller au loin, on va dehors. Aus. Aus. Aus, ça s'écrit A-U-S. Donc, à votre avis, comment dit-on sortir? Sortir dehors. Comme pour weggehen, il faut ajouter le petit mot devant le verbe. Gehen aus. Non, ausgehen. Ausgehen. Ausgehen. Ausgehen, en un mot, c'est sortir. Ça s'écrit en un seul mot. Comment diriez-vous « je veux sortir ce soir » ? Ich will. Ce soir, c'est aujourd'hui soir. Heute Abend ausgehen. Bien. Ich will heute Abend ausgehen. Nous aimerions sortir ce soir ? Wir möchten. Bien. Wir möchten. Wir möchten. Heute Abend. Nous aimerions sortir ce soir. Ausgehen. Bien. Wir möchten heute Abend ausgehen. À vous cette fois. Nous aimerions sortir ce soir. Se dit. Wir möchten heute Abend ausgehen. Bien. Wir möchten heute Abend ausgehen. Ausgehen, c'est sortir. La sortie se dit der Ausgang. Gang, c'est le passage, le couloir. Gang. Imaginez un gang de malfaiteurs qui sortent en courant. Donc, der Ausgang, la sortie. Vous verrez de nombreux panneaux avec Ausgang, sortie. À l'inverse, entrée se dit Eingang. Der Eingang, c'est l'entrée. Et le verbe entrer se dit hineingehen. Donc, der Ausgang et der Eingang. Ausgang, c'est sortie. Et Eingang, c'est entrée. Encore une fois, sortie se dit Ausgang. Ausgang, oui. Et entrée? Eingang. Eingang. On parle de Eingang et Ausgang quand on marche. Si vous ne vous déplacez pas à pied, si au contraire vous êtes motorisé, Alors vous roulez. Fahren. Fahren. C'est effarant de rouler ainsi. Fahren. En roulant sur l'autoroute, Autobahn, vous verrez de nombreux panneaux Ausfahrt. Ausfahrt, c'est la sortie, mais lorsqu'on conduit. La sortie de l'autobahn est donc une Ausfahrt. Et une entrée d'autoroute, c'est donc Einfahrt. Partir, toujours lorsqu'on est motorisé, c'est Abfahren. Abfahren. Abfahren. Abfahrt signifie le départ, puisque Abfahren, c'est partir. Abfahren. Wegfahren signifie s'en aller lorsqu'on voyage en voiture. Wegfahren. Vous pouvez aussi dire fortfahren. Partir, partir loin. Durchfahren maintenant. Durch, D-U-R-C-H, signifie au travers. Donc, durchfahren, c'est traverser, mais traverser en voiture. Si vous traversez à pied, alors c'est durchgehen. Durchgehen. Traverser. Comment diriez-vous « je veux traverser » si vous êtes à pied? Ich will durchgehen. Bien. Ich will durchgehen. Et cette fois en voiture, nous pouvons partir. Nous pouvons nous en aller. Wir können wegfahren. Bien. Wir können wegfahren. Et voulez-vous partir? Au sens de « voulez-vous vous en aller ?» Cette fois, à pied. Wollen Sie weggehen? Oui. Wollen Sie weggehen?